lis la Bible maintenant. Bonne journée tout le monde, allez, et bien compagnie de Radio Télé 4G. Depuis le Cap Haïtien, vous écoutez Radio 4VEH, la voix évangélique d'Haïti. Il est 8h. Verset jeunesse. Somme, chapitre 119, verset 81. Somme, chapitre 119, verset 81. Seigneur, quel fait mal seulement m'attend nous de délivrer moi. Moi mettez tout espoir moi. Mes paroles. Somme, chapitre 119, verset 41. Seigneur, qu'elle me fait mal. Seigneur, qu'elle me fait mal. Tellement m'attend-nous d'une délivrance. Tellement m'attend-nous d'une délivrance. Moi mettez tout espoir moi de paroles. Moi mettez tout espoir moi de paroles. Seigneur, tellement mal, tellement m'attendons d'une délivrance. Mais mettez tout espoir moi dans la parole. Somme, chapitre 119, verset 81. C'était verset 119.